Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 7e numéro de Sur nos écrans. Cette semaine, un programme hyper chargé en news, télé et ciné du côté des adaptations comics et un débrief de la semaine consacré à Constantine, qui est peut-être la série préférée de la majeure partie de l'équipe avec Gotham. Tout ce programme, on va le commencer sans tarder. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 7e épisode de Sur nos écrans. My name. Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi ce soir, Elvire. Bonsoir. Manon. Bonsoir. Et Arnaud. Salut. Allez, on commence. Comme je l'ai dit, un programme très très dense, donc on va essayer de faire les news de manière assez rapide. On va commencer par le ciné, avec quelque chose qui est tombé il y a une bonne semaine maintenant, mais bon, c'était tombé pile entre l'enregistrement et la diffusion de la précédente émission. C'est le fait que Valiant Entertainment, donc l'éditeur comics, s'est associé avec une société chinoise qui s'appelle DMG Entertainment pour produire des films et des séries qui seront donc tirés du catalogue de Valiant. Donc voilà. Donc on aura aussi un univers partagé au cinéma et à la télé, extrait de l'univers Valiant. Bon, bah, c'est plutôt cool pour l'éditeur qui se lance aussi dans la danse et qui va du coup rajouter à la dose déjà très riche de ce qu'on va nous injecter chaque année maintenant à la télé et au cinéma. Arnaud, tu vas nous parler de San Diego déjà. Oui, c'est James Gunn qui en a parlé sur Facebook. Et apparemment, Marvel Studios ne serait pas présent à la prochaine San Diego Comic Con. C'est ce qu'il a révélé en parlant avec des fans. Donc tout de suite, tout le monde s'est agité sur Internet. Mais si on regarde un peu le programme des autres conventions, c'est pas si étonnant parce que le mois qui suit, en août, Disney organise ce qu'ils appellent la D23 Expo. C'est une exposition de Disney et de toutes les entreprises que Disney détient, qu'elle fait tous les 2 ans. Et donc, on n'a pas le programme, mais comme la dernière édition en 2013, Marvel devrait être présent là-bas. Donc, s'ils ont des annonces à faire, ils les font à ce moment-là. Comme ça leur permettra d'avoir leur propre événement. Voilà. Mais du coup, ils laissent le champ libre à DC Warner pour la San Diego Comic Con. S'ils font quelque chose. Bah, si ils auraient tort de s'en priver. Si, voilà, si Warner DC se prive de l'occasion de ne pas avoir Marvel sur place et de pouvoir voler le salon, je comprends plus rien à DC et à Warner. Après, c'est pas encore officiel, ils sont absents. Oui. Elvire, tu vas nous parler de Suicide Squad. Ça fait longtemps, ça fait une semaine qu'on n'en a pas parlé. Oui, on est encore dans les news de casting. Donc la dernière fois, on avait vu que Tom Hardy avait décliné le rôle de Rick Flag. Et c'est donc Joel Kinnaman qui va reprendre le rôle que Tom Hardy a délaissé. Voilà. Donc, la rumeur est confirmée. On aura un jour le casting complet de Suicide Squad. Je suis pas sûr. Je pense que même après la sortie du film, on t'a annoncé des gens qui sont dedans. Manon, toi, tu vas nous parler de Star Wars, puisqu'on a aussi eu pas mal d'annonces de ce côté-là cette semaine. Alors cette semaine, niveau Star Wars, on a eu une date de sortie pour l'épisode 8, donc la suite de la suite, le prochain épisode, ça sera pour le 26 mai 2017, donc un an et demi après l'épisode 7, qui sort en décembre cette année. Mmh. Et on a aussi un réalisateur directement, Rian Johnson, qui nous a pu nous donner Looper, donc le blockbuster un peu science fiction. Mmh. Et la deuxième news, très importante, c'est le titre du premier spin-off, qui s'intitulera Rogue One. Et qui, on a aussi un réalisateur, c'est Gareth Edwards qui nous a donné Godzilla. Donc Rogue One, ça fait référence au Squadron Rogue, qui est un groupe de pilotes rebelles. Mmh. Et on a déjà une première annonce de casting, donc ça fait de sacrées annonces au niveau Star Wars. On a Felicity Jones, qui est annoncée au casting. Donc il y a plusieurs rumeurs sur qui elle pourrait être, et je voulais parler de celle qui me plaisait le plus, c'est la fille de Han Solo. Mmh. Jaina Solo, qui justement a été à la tête de l'escadron mmh. En tant que Rogue One. Voilà. Et on a aussi une date de sortie, je ne l'ai pas dit ça, le 16 décembre 2016. Donc ça sera entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Voilà, donc ça bouge effectivement beaucoup du côté de Star Wars. Et Rogue One, ouais, c'est une nouvelle qui a fait plaisir à pas mal de fans sur les réactions qu'on a pu voir sur Internet. Mais cette annonce a eu des conséquences pour d'autres films, Elvia. Et oui, ça a eu conséquences pour les 4 Fantastiques 2, qui a vu sa date de sortie repoussée, alors pas de beaucoup, parce qu'il devait sortir le 2 juin 2017, et il sortira le 9 juin, mais comme raison, on pense que c'est pour pas tomber en plein cœur de l'ouragan Star Wars, et de laisser un peu respirer ses héros, pour pas tomber en trop grande concurrence avec la bombe Star Wars, quoi. À souligner également que mai 2017 sera officiellement le mois de la galaxie, puisqu'on aura Gardien de la Galaxie numéro 2, le même mois que Star Wars épisode 8. Donc, un gros mois qui nous attend déjà en mai 2017. On termine du côté du cinéma avec la visite d'un acteur Warner à Paris. Arnaud. Jason Momoa, qui donc sera Aquaman dans Batman vs Superman, Justice League et son film Aquaman, qui sera présent au Paris Manga et Sci-Fi Show le 3 et 4 octobre à Paris, Porte de Versailles. Ok, donc certains fans iront voir Khal Drogo et d'autres iront voir Aquaman. Mais du coup, on le disait juste en off avant l'émission, ça vole une possibilité à Paris Comic Con qui a lieu 3 semaines après. Donc du coup, on va avoir trouvé autre chose. Allez, on va passer maintenant à l'actu télé. Elvire, tu vas nous parler d'une news qui a un petit peu secoué Internet lundi dernier. Lundi ou mardi, je ne sais plus. Lundi, je crois. C'était lundi, le début de semaine, alors. Ouais. Voilà. Donc oui, ça concerne The Walking Dead. Donc c'est AMC qui a... Maintenant, c'est officiel, parce qu'à l'époque, au début de semaine, c'était pas vraiment officiel, mais ça a été confirmé, qui a commandé, non pas une saison, mais 2 saisons de son spin-off. Ils savent toujours pas comment ils vont l'appeler. Il faudrait qu'ils se décident, parce qu'en fait, elle va être diffusée cet été. En tout cas, la saison 1 va être diffusée cet été. Elle se composera de 6 épisodes, et ça sera pour faire la transition entre la fin de la saison... Enfin, pas vraiment la transition, parce que c'est pas juste après, mais pour nous faire attendre entre la fin de la saison 5 et le début de la saison 6. Et donc, ce qu'on sait un peu de ce pilote, c'est que ça se concentrera sur une famille de Los Angeles, et ça sera au tout début de l'épidémie. Donc moi, ça m'intéresse assez parce qu'on peut... Est-ce qu'on va comprendre les origines, mais tout du moins, on va voir comment les gens ont réagi face à cette épidémie, ce qu'on n'a pas dans The Walking Dead, où l'épidémie est déjà bien installée quand nous, on arrive dans le show. Donc voilà, on sait que ça pour le moment. Après, il y a déjà des gens de casté, mais bon, je vais les citer même si moi, je les connais pas forcément. Kim Dickens, Cliff Curtis, Alicia Denham Carré et Frank Delane qui sont déjà castés. Donc il y aura pas de lien avec la série mère. Voilà. Enfin pas de lien à part les zombies, mais pas de lien avec la série mère. Pas de lien explicite en tout cas. Ah, oui, j'ai juste lu ce matin, donc dimanche, que Robert Kirkman laissait quand même la porte ouverte à des crossovers. Donc après je sais pas comment, si ça se passe pas à la même époque par rapport à l'invasion. Enfin, voilà. Un personnage qui apparaît dans l'un qu'on voit avant ou après. Oui, peut-être. Oui, des flashbacks. Bah, pour nous, ce sera des flashbacks de The Walking Dead, mais dans... Oui, peut-être aussi, oui, c'est vrai. On a eu cette semaine également un premier visuel du Reverse Flash, tout simplement. Premier visuel officiel du Reverse Flash avec l'acteur Tom Cavanagh dans le costume. Donc, s'il y avait besoin d'une confirmation pour ceux qui n'avaient encore vraiment pas compris que... l'identité du Reverse Flash, ben voilà, cette fois on a la photo et c'est lui dedans dans le costume. Donc c'est bon, une photo, comme toutes les photos de costumes de la CW, fond gris avec un petit peu de fumée, Photoshop à mort, et puis bon, costume qui est plutôt sympa mais sans surprise quoi. Enfin. On reste sur la CW, Arnaud, avec des dates de season final. Oui, alors on a pris les dates de fin d'Arrow et Flash. Alors d'abord ce sera d'abord ce sera Arrow qui s'arrêtera le 13 mai. Et comme avant la pause d'il y a quelques semaines on a eu un épisode supplémentaire de Arrow, forcément il y en a un de plus pour Flash, donc le Flash s'arrêtera la semaine suivante le 19 mai. OK. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur la CW? Oui, on va continuer avec toi, Arnaud, et passer directement à la news concernant iZombie qui s'est paré d'un générique cette semaine. Oui, on a eu un générique juste avant le lancement de la série, qui sera le 17, donc qui a déjà été lancé quand vous écouterez le podcast. Voilà. Et donc on a eu un générique qui est un générique très comique, puisque ce sont des dessins de des dessins De Mike de Allred. alors, des dessins de Mike Allred, qui a travaillé sur Silver Surfer et Fantastic Four chez Marvel. Et donc là, il s'occupait du générique de iZombie. Voilà. Mike Allred qui, en plus de ça, est le dessinateur de la série comics iZombie. Donc, c'est un joli clin d'œil qui est fait à la télé, de la télé aux comics d'origine. Allez, on va quitter un petit peu la CW, on va arrêter d'en parler et on va parler de Supergirl, encore Supergirl, elle vient. Encore, la croix chaque semaine. À chaque Donc semaine, ouais. encore une news casting pour Supergirl. Alors on n'aura pas une Supergirl, mais deux, parce que il y a Malina Westman qu'on a pu voir dans Teenage Ninja Turtles. Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja, et qui jouera une version enfant de Kara en fait. Donc il y aura sûrement des flashbacks et peut-être des origines, je sais pas. Mais donc voilà, donc on aura deux Supergirl pour le prix d'une. Et puis Elvire, tu vas continuer avec les news parce que tu vas nous parler de la série attendue dans maintenant moins d'un mois, Daredevil. Donc oui, deux news pour Daredevil. Déjà, on a un nouveau trailer qui est sorti cette semaine, qui moi me donne encore plus envie de découvrir la série parce que voilà, on aura vraiment, enfin je sais pas si c'est en cohérence avec les comics, mais vraiment quelque chose de sombre. Ah oui, c'est clairement en cohérence. Donc tant mieux, donc vraiment quelque chose de sombre et qui a l'air bien construit. On peut pas vraiment se dire sur une bande annonce, mais on sera pas du Gotham quoi. Et bim. Ouais, non, bah un trailer, oui, évidemment. Enfin, on va peut-être juste prendre deux petites secondes, mais oui, franchement, ça fait rêver. Enfin, je sais pas voir Arnaud et Manon, mais. Mais si, carrément. C'était magnifique. Et Manon, toi aussi, la même hype? Oui. Ah! Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'ils essayent de faire du DC avec un truc dark, mais non, je pense qu'ils sont sur le bon ton quand même, que ça sera fait au niveau street level. Enfin, je pense qu'ils ont le bon ton. Mais on verra. D'accord. Et ben, de toute façon, on n'a plus longtemps à attendre maintenant, hein, 3 semaines, et puis on sera 3 ou 4 semaines et on sera fixé. Allez, Elvire, tu continues sur Daredevil, parce qu'il y avait une deuxième news. Alors, on continue maintenant. Bah, toujours les castings, c'est mon lot. Donc, il y a 6 nouveaux acteurs qui ont été dévoilés. Donc, il y en a 2 qui vont jouer des personnages connus des lecteurs de comics. Donc, il y aura Rob Morgan qui va jouer Tug Barrett. Et on aura Matt Gerald qui va jouer Melvin Potter. Donc ça, c'est pour les personnages que les gens des comics peuvent connaître. Et après, il y aura des personnages créés de toutes pièces par l'équipe de Netflix. On aura Nobu, un homme d'affaires japonais qui va être joué par Peter Shinkoda, qu'on a pu voir dans Hawaii Five-O. On aura Madame Gao, une femme puissante qui sera jouée par Wai Shing-ho, qu'on a pu voir dans Blue Bloods. Et on aura 2 frères, Vladimir et Anatoly. 2 frères russes qui veulent se faire connaître aux États-Unis, qui vont être joués par Nikolai Nikolaev, qu'on a vu dans Sea Patrol, et Gideon Emery, qu'on a vu dans Green. Donc voilà. Des annonces casting qui n'ont pas l'air de révéler grand-chose, mais qui orientent clairement l'intrigue du côté des mafias internationales. Oui, entre Des le Japon et Japonais, la des Russie. Russes, on sait qu'on a le Kingpin dans la série, enfin voilà. Clairement, ça sent la guerre des mafias ou un truc comme ça dans la série. Bah, c'est ce qu'on voit aussi dans le trailer. Bah, c'est ce qu'on peut laisser penser. Donc, Ouais. Donc voilà. Et les dernières news côté télé, Arnaud, avec bah, peut-être une série qu'on va aussi traîner comme une croix chaque semaine, puisque bah, là encore, on en parle chaque semaine en ce moment, c'est Lucifer. Oui, la série que Fox développe, hein, de l'univers Vertigo. Alors, on a appris 2 nouveaux castings, DB Woodside, qui était dans Buffy, qui jouera Amen Daniel, qui est un ange, qui a pour mission de convaincre Lucifer de revenir en enfer. Et Raquel Harris, qui jouera Linda, qui est une thérapeute, qui demande des conseils à Lucifer après l'avoir rencontré sur une affaire criminelle, puisque Lucifer est plus ou moins policier dans cette adaptation. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour de ce gros programme de news, et on va enfin, parce qu'on avait vraiment hâte d'en en arriver là, on va enfin vous proposer le débrief de Constantine. Débrief de la saison ou débrief de la série ? On ne sait pas encore. On va faire comme si c'était le débrief de la première saison. Et puis, on va donc revenir sur un petit peu l'ensemble de la saison, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé et pour cause cette année, puisque tout simplement, beaucoup de personnes dans l'équipe ont arrêté Constantine. Moi, j'ai juste repris quelques épisodes pour l'émission. Au final, sur Comic Stories, on a Nib, donc qui propose le point d'ici chaque semaine, qui a vu toute la saison. Et puis toi, Manon. Oui. Donc Manon, bah, je te laisse peut-être, vu que c'est toi la plus à même d'entre nous d'en parler, moi je compléterai après par rapport à ce que j'ai vu de la série, parce que j'ai vu les 6-7 premiers, plus le 10, plus le dernier, donc il m'en manque 4-5, hein, 4 ou 5, je sais plus, voilà, pour avoir la saison complète, mais je te laisse du coup Manon ouvrir le bal et puis parler un petit peu peut-être de l'évolution des intrigues, s'il y a eu une évolution, je sais pas, des personnages, tout ça, voilà, sur la saison, ce que toi t'en as pensé, et puis après je vous donnerai l'avis de Nib et puis je compléterai par le mien. Globalement j'ai plutôt apprécié, même si je comprends certaines critiques, mais je comprends pas qu'on soit aussi dur. Il y a certains personnages où j'ai eu du mal à m'attacher, par exemple Zed, au début j'ai eu du mal, mais au final je trouve que tout tient la route plutôt bien. Sans être une série, je trouve qu'elle a pas assez de, elle est pas assez allée assez loin, elle est restée dès le début, dès les premiers épisodes. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont parti, ça a manqué d'ambition. Et c'est parti dans un petit train-train qui a fait perdre l'intérêt à beaucoup de gens, je pense. Et donc on continue à la série sans problème, mais il manque quelque chose, c'est vrai. Il y a quelques twists à la fin, mais ça donne pas vraiment, ça va pas redonner de l'intérêt aux gens, vraiment. Mais globalement, je trouve que ça s'est allé. J'ai pas pu comparer avec les comics que j'ai pas lus, mais en tout cas, John Constantine est très bien casté et il tient la route assez bien. Oui. Ok, juste, je vais juste poser une question. Tu parles de il y a des twists à la fin. Oui. Tu parles de la fin de la saison, la fin d'un épisode en particulier. La fin du dernier épisode, il y a un twist. Enfin, ah bon? Oui. Ah bah je veux bien que tu me dises alors, parce que je l'ai pas vu. J'ai vu l'épisode, mais j'ai pas vu le twist. Bah en fait, l'ange. Ah oui, d'accord, ça. Oui, ok. Donc voilà, bah, c'est un petit twist quand même. Oui, les gens ont dû venir avant, mais moi je l'ai pas vu venir avant. Mais est-ce que c'est un twist qui te donne envie de revenir pour une saison 2? Non, mais ça reste un twist. Enfin, je veux dire, oui, voilà. C'est... révélation, quoi. C'est, je l'avais même pas pris pour une révélation, quoi. Tellement ça paraît anodin, en fait. Enfin, Je pense que tu peux spoiler. En fait, il s'avère qu'a priori, comment s'appelle l'ange? C'est pas Gabriel? Oh putain. Non. Mani. Oui. Ouais, il s'avère que, raconte-le Manon, parce que du coup, tu l'as vu. Donc, l'ange qui a approché Constantine dans le premier épisode, comme quoi il y aurait une menace qui allait s'abattre sur, on apprend plus tard que c'est des espèces de, enfin, il y a des démons qui sont au service de cette grande menace, je sais pas quoi, blablabla. Au final, c'était l'ange qui était derrière et qui, c'est lui la menace, derrière tout ça. Ouais, il c'était révèle. Pas plus ou moins sous-entendu déjà avant. Bah non. Parce qu'il est censé aider John. Tout le long, il aide John. Ouais, moi, j'ai vu que 3 épisodes, mais il avait pas l'air d'aider beaucoup. Hein. Oui, justement. En fait, il est là, mais il peut pas l'aider parce que c'est un ange. Donc, je le savais pas, mais ça me surprend pas plus que ça. Donc, du coup, voilà, il s'avère qu'a priori... Ne pas aider et être le grand vilain de la série, c'est... Non, il s'avère qu'a priori, effectivement... le grand ennemi de la série travaille pour Mani. Voilà, c'est ce qu'il révèle à la fin, toute fin de l'épisode final de la saison. J'ai même pas vu comme une révélation, mais effectivement, oui, il y a ça. Oui, c'est vrai. Mais du coup, il se passe quoi pendant 13 épisodes si on découvre le méchant à la fin, à la toute fin? On découvre, il se bat contre ceux qui travaillent pour Mani, donc, mais on savait pas. Et il y a aussi le fil rouge au fond de. Dans le premier épisode, on le retrouve dans un asile où il s'est fait interner lui-même. Mm-hmm. À cause d'un incident qui s'est passé à Birmingham, je crois. Newcastle, non? Newcastle, voilà. Oh, je sais plus. Où il y avait une équipe, tout ça, et donc tout le long de la série, on découvre petit à petit ce qui s'est passé à Newcastle, mais on sait pas tellement. Et on découvre les gens de l'équipe de Newcastle qui s'est dispersée, ou qui est mort. Donc, voilà. Donc c'est aussi, on raccroche un peu les wagons sur le passé, ouais. Je te rejoins clairement sur un truc que tu as dit, c'est le manque d'ambition. Voilà, ouais. C'est incroyable de d'avoir aussi peu d'ambition et surtout d'avoir aussi peu confiance en ce qu'on propose. J'ai vu l'épisode 10, donc j'ai laissé un gros gap entre les épisodes 7, 8 jusqu'au final. J'ai vu le 10 par contre, j'ai accroché à cet épisode. Je peux même dire que je l'ai bien aimé pendant 30 minutes. Et parce qu'on nous introduit, on nous présente un vilain. Enfin, je sais pas si on nous le présente ou si on l'avait déjà vu, mais qui est Faust, qui est hyper puissant, qui semble vraiment très menaçant, enfin qui est en plus très crédible dans sa puissance et dans son opposition à Constantine. On se dit, ah, on est parti pour quelque chose, ça va être vachement intéressant, ça y est, ça bouge, lui, voilà, on va le suivre pendant quelques épisodes, parce que vraiment, voilà, il y a de la rivalité, en plus l'intrigue autour de Faust est assez intéressante. Ça nous permet d'en apprendre plus sur le passé de Chaz, qui est un des acolytes de Constantine pendant la série, de savoir, parce que Chaz, sa particularité, c'est que quand il meurt, il se réveille. Pour un nombre limité. Et on apprend dans cet épisode justement qu'il a un nombre limité de vie, que c'est lié à quelque chose qu'il a vécu dans le passé, au niveau d'un incendie qui a eu lieu dans une boîte de nuit où il y avait 42 personnes en plus de lui. Et que ces 42 personnes sont mortes et que lui a essayé de sauver des personnes, etc. Et Constantine avait jeté un sort de protection sur lui juste avant, et du coup lui aussi est mort, mais il a récupéré les âmes et donc les vies de toutes les personnes qui sont mortes dans la boîte de nuit à cause du sort de Constantine. Et du coup il a un nombre de vies qui est d'une quarantaine, voilà, il peut mourir une quarantaine de fois avant de mourir définitivement parce qu'il a récupéré la vie de ces personnes-là. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est bien expliqué, c'est bien amené dans les flashbacks, etc. Enfin, et puis là, il se passe un truc à 5 minutes de la fin de l'épisode. On te bousille tout ce qui était intéressant, qui était construit. Chaz s'attache les mains avec Faust, dégoupille une grenade, donc sacrifie une de ses vies. Et Faust, qui était le mec le plus puissant que j'avais vu jusque-là, il crève avec une grenade. Au moins, c'est efficace. J'étais dégoûté. Mais comment tu peux ne pas croire à ce point-là au personnage que tu proposes, à la super menace que tu amènes, ou comment tu peux sacrifier ça avec une grenade? Le mec, c'est un mage hyper puissant qui a réussi à trouver un moyen de séparer les âmes du corps, il me semble. C'est ça, hein, qui est quelque chose que Constantine présente comme impossible dans la magie. Lui, il a réussi à le faire. Donc c'est quand même le magicien alpha, j'ai envie de dire, le magicien noir le plus puissant possible, puisqu'il a réussi à faire un truc que personne n'avait réussi à faire jusque-là. Et c'est une grenade qui vient à bout de ce mec. Moi j'étais dégoûté. Alors que pourtant en plus j'avais été accroché par l'épisode, je m'étais dit, oh, je vais peut-être voir le 11 et le 12, du coup je pourrais aller jusqu'au final, ça a l'air intéressant, et en fait non quoi. Ça m'a vraiment perdu. Donc du coup ouais, c'est ça qui me déçoit dans la série, c'est qu'on nous présente des choses intéressantes et on va te les casser avec des conneries en fait. Et c'est hyper dommage parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de potentiel, il y a plein de trucs qui ont été introduits qui auraient pu être hyper intéressants et qui ont été bêtement gâchés, je trouve. Bon, forcément, Manon, t'es pas forcément d'accord avec ça. Non, c'est plutôt vrai. Je trouve que, en fait, dès le deuxième, troisième épisode, on a l'impression qu'ils sont déjà dans une routine, comme s'ils avaient déjà 10 épisodes derrière eux. C'est ça. Que non, on doit être accroché dès le deuxième, on doit être à fond dedans et. Donc disons que le deuxième était un deuxième pilote vu que le deuxième épisode est... Bah oui, en plus on t'impose le personnage de Zed. C'est peut-être aussi pour ça que tu t'y es pas attaché, parce qu'on te l'a imposé celui-là. Oui, et puis l'actrice est moyennement c'est clair. Impressionnante. Elle est pas si mauvaise que ça, mais... Elle est moyennement actrice, j'ai envie de dire. C'est quelque chose, quoi. Il y a vraiment des bons trucs, mais il y a un manque d'ambition et de profondeur générale qui fait que ça ne nous laisse pas un souvenir... Impérissable, c'est sûr. Et je pense vraiment à un manque de confiance au produit, dans le produit qu'il propose. Il y a des bonnes choses, parce que comme je disais, je trouve que, je sais plus son nom d'acteur, Constantine est plutôt bien choisi. Matt Ryan. voilà, Matt Ryan, il est plutôt bien choisi. Oui, c'est un bon Constantine. Voilà, même les personnages secondaires, c'est pas des faire-valeurs. On va à Chaz, on écoute son histoire. Zed aussi, elle a une histoire à elle. On a l'équipe de Newcastle. On a le policier de la Nouvelle-Orléans aussi. Donc, ça tient plutôt la route, mais... Et puis pareil, dans les premiers épisodes, on te présente la maison avec tous les artefacts, tous les objets hyper liés à l'univers DC. Les écritures de Zatanna, le casque de Dr. Fate, etc. On n'a rien vu de tout ça. Enfin, sauf si c'est passé dans les épisodes que moi j'ai sauté, mais... Je saurais pas dire, vu que je prends pas les références à DC. Mais est-ce qu'à un moment, le casque doré, là, il est utilisé, le Dr. Fate, on... Oui, oui, il sort souvent des trucs de la cache de Fate, là, mais... Ouais. Je comprends pas les références, je sais pas si c'est important ou pas. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ça a été utilisé, parce que j'en ai jamais entendu parler dans l'année, j'ai jamais vu dans les trailers ou quoi que ce soit des choses qui faisaient. La cache secrète est utilisée à un moment avec Zed. Oui, elle est pourchassée, etc. Puisque dans le début du final, je vois que Constantine rajoute des protections sur cette maison, parce que visiblement, Zed avait été repéré là-dedans. Oui, il y a une pièce qui est un espèce de fond vide, un void, c'est bizarre. Donc voilà, Nib a à peu près le même avis que moi. Il était plutôt déçu, lui aussi, par le manque de connexion entre les épisodes, notamment. Le fait que finalement, on peut prendre un épisode et puis le regarder, et puis en regarder un épisode, trois épisodes après, et puis tout à fait comprendre, parce que finalement c'est pas hyper lié, et ça, comme ça avance pas beaucoup, on peut comprendre, on peut même revenir en arrière, enfin aller d'avant en arrière indifféremment, puisqu'au final, il n'y a pas beaucoup de choses qui fait vraiment avancer une intrigue de fond qui manque cruellement. Ouais. Donc voilà. Après, je suis... Et là où son avis s'est vraiment révélé à moi, parce que dans le point d'ici, je voyais bien qu'il était un peu mitigé, mais qu'il ne le disait pas trop. Et je lui dis, voilà, j'en ai vu 7, qu'est-ce que tu me conseilles? Je voudrais en voir un ou deux pour l'émission, lesquels tu me conseilles? Et il me dit, bah je sais pas, prends n'importe lesquels, de toute façon ça va être pareil. Et ben là je me suis dit ok, c'est assez révélateur aussi de ce que pouvait être la série. Donc bon, ça l'a pas transcendé non plus, plus que moi c'est clair, moins que toi Manon, et plutôt un avis entre nous deux. Est-ce que clairement, si je te dis que demain il y a une saison 2 qui commence, Manon tu la regardes? Oui, là n'hésite pas à dire oui. Mais ça serait pour recommencer sur de nouvelles bases, pour voir comment ils arrivent à développer. Maintenant qu'ils ont difficilement imposé leur base, comment ils se dirigent? Mais je dirais oui. D'accord. Donc, rendez-vous en avril-mai pour avoir la réponse, savoir si oui ou non on a une commande d'une saison 2 pour cette série. En tout cas, je trouve que... Autant Gotham, j'arrive très difficilement à trouver des choses pour la sauver, autant Constantine, j'en trouve facilement. Et ouais. c'est pour ça que j'ai encore plus cette impression de gâchis, parce que vraiment, ils ont gâché quelque chose de bien. Ils ont eu de bonnes idées, et ils s'en sont jamais vraiment servis pour moi, et ils les ont même parfois gâchés. Enfin, le coup de la grenade, je m'en remettrai jamais, je crois. Donc, voilà. Bon, on vous reparlera peut-être de Constantine la saison prochaine, si la série revient. Et bien voilà, on est arrivé au terme de cette émission de Sur nos écrans. Les rendez-vous de la semaine sont les suivants. Ce week-end, on se retrouve pour la Padawan édition numéro 7, qui sera consacrée à Batwoman. Mardi prochain, vous avez rendez-vous avec le Mag numéro 8. Et puis jeudi prochain, Sur nos écrans numéro 8, toute l'actu ciné-télé est comme aujourd'hui, et le débrief de la semaine qui sera consacré à encore une nouvelle série, puisqu'on vous parlera de Powers, qui a débuté il y a maintenant une semaine sur le PlayStation Network. D'ici là, bonne série et à bientôt. Salut. Bonsoir. Salut.